Je suis vestiaire au restaurant du Lion d'Or et de l'Écu de France. Monsieur Ernest y vient souvent et chaque fois il me fait des avances. Il m'a si bien entortillé, parlé de cœur et de chaumière, que finalement j'ai accepté pour lui de quitter mon vestiaire. Monsieur Ernest a réussi, on est parti un soir de fête. Il m'a si bien tourné la tête qu'on ne s'est pas quitté de la nuit. Depuis ce jour, je vis chez lui, dans sa petite chambre au septième. On n'a pas un sou, mais je l'aime. Monsieur Ernest a réussi. Monsieur Ernest est entêté. Monsieur Ernest est arriviste. Quand il veut quelque chose, c'est gagné. Faut dire qu'hier, rien ne lui résiste. Il a parié que dans un an, il serait au moins millionnaire. Maintenant, il gagne tellement d'argent, il ne sait même plus quoi en faire. Monsieur Ernest a réussi, il fait vraiment beaucoup d'affaires. Il a besoin de 3 secrétaires, il traite avec tous les pays. Dans son hôtel de la rue de Passy, il travaille tant qu'il se surmène. Il vient me voir une fois par semaine. Monsieur Ernest a réussi. Monsieur Ernest m'a dit l'autre jour, j'ai trouvé une riche héritière. Naturellement, c'est pas de l'amour, mais il y va de ma carrière. Je viendrai te voir de temps en temps. Il vaut mieux ça, car à tout prendre, et si tu trouves un autre amant, il n'y a qu'à moi que je pourrais m'en prendre. Monsieur Ernest a réussi, il n'a pas brisé sa carrière, mais moi j'ai retrouvé mon vestiaire, il n'y a rien à faire, c'est la vie. Monsieur Ernest est venu l'autre soir, il était même avec sa dame. Moi, j'avais peur que ça me fasse des drames. Il m'a filé sans prendre pour boire. Monsieur Ernest, merci.